بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا خاتمة مسألة التي تتعلق بالعذر بالجهل. C'était l'excuse par l'ignorance avec le tafsil qui s'y attache, car l'excuse par l'ignorance est une chose qui a des conditions. Ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas pour tout le monde. Donc le khulasa, c'est que celui qui n'a pas eu d'argument et qui n'était pas moyen de pouvoir l'avoir, de façon générale, est excusé. Quand bien même il viendrait à mourir kafir, en cette dunya on juge que c'est un kafir, mais après dans l'akhira, il se peut qu'il soit des gens de al-fitra et que Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve et que par la suite ils finissent par être des gens de Jannah. Ça c'est une chose qui ne nous revient pas à nous. Tout comme le musulman qui viendrait tomber dans le shirk, si jamais l'argument n'est pas parvenu dans un lieu, par exemple, où il n'y a pas de da'wa, où il n'y a pas de science, où il n'y a rien du tout, il ne comprend pas, مثلاً, l'arabe, ou différentes choses qui empêchent que l'argument ne lui parvienne, كذلك, les actes qu'il a commis, on l'appelle shirk, c'est du shirk, voyez, mais en cette dunya, on se comporte avec lui comme avec un musulman. Mais, une fois que la preuve lui est venue, c'est fini. Ou si demain, on avait expliqué qu'il est dans un lieu, au milieu des muslimines, où il y a la science, il y a la darwa, il y a les savants, il y a les livres, qu'il comprend l'arabe, mais que c'est lui qui s'est détourné, là, il n'est pas excusé par son ignorance. Vous voyez? Il n'est pas excusé par son ignorance. Et ça, c'est le kalam des jumhur, le ulama, comme le dit Shariah al-Hajuri. C'est le kalam du plus grand nombre de savants. Dans le sujet. Et le sujet plus vaste que cela, après, il y en a qui détaillent par rapport au fait, est-ce que ça rentre dans les usul du tawhid, est-ce que ça rentre dans les foulours de la aqida. Il y a des points après à, voyez, des degrés, mais là on parle de la kalem de façon générale par rapport à ça. Car il y a des choses qui ne sont pas excusées, ignorance ou pas ignorance. Tayyib Noah, c'est l'al-an. D'accord, donc après que l'auteur avait cité ces deux fa'ida, lorsque tu as connu le ma'na de la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah, que cela t'apporte une grande réjouissance du fait que tu l'as connu, et également une grande peur de tomber dans ce quoi sont tombés les gens qui n'ont pas compris ce sens. Après, il avait cité que des gens, il se peut qu'ils prononcent une parole de kouf, sans s'en rendre compte par leur ignorance, et qu'ils n'en sont pas excusés. Qu'ils tombent dans le kouf par une parole qu'ils prononcent, et qu'ils ne sont pas excusés. C'était là qu'on on avait commencé le tafsil fi mas'alat al-'udhr bil-jahl. Wa ba'da hadha qala wa qad yaquluha wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama kana yadhunnu mushrikuna khususan anna in ahlamaka Allah ta'ala ma qassa 'an qawmi Musa ma'a salahihim wa 'amalihim annahum ataw qa'ilin ij'al lana ilaha kama lahum aliha fa hayna idhin ya'dhum khawfuka wa hirsuka 'ala ma yukhallisuka min hadha wa amthalihi. Donc il se peut qu'il dise cette parole en pensant que c'est-à-dire cette parole de kufr, il la prononce en pensant que cette parole le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce fut le cas des mushrikoun en particulier, c'est-à-dire ce qu'il faisait comme acte de shirk, qui prenait comme wasa'it ses asnam pour se rapprocher d'Allah, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a cité l'histoire du peuple de Moussa alayhi salam, avec la réforme qu'ils avaient en eux, avec la science qu'ils avaient en eux. Et pourtant, ils ont dit à Moussa, dans le sens où Allah dit, donne-nous une divinité comme eux ont une divinité. Lorsqu'ils ont vu ce peuple qui, Kanaïarkif, qui se recueillait auprès d'idoles. Ils ont demandé la même chose. Donc à ce moment, quand tu as su cela, ta peur doit s'augmenter et s'intensifier, et également, que tu dois faire prendre encore plus de soin à te débarrasser de ces idées, de ces mauvaises idées et ce qui y ressemble. C'est-à-dire les idées sur lesquelles sont basées les mushrikoun. Tu dois avoir encore plus peur de tomber là-dedans. Car tu sais que le peuple de Moussa, ils avaient un prophète et un messager avec eux, parmi les plus grands des prophètes et des messagers avec eux. D'ailleurs, c'est le plus grand messager de Bani Israël. Et malgré cela, regardez qu'est-ce qu'ils lui ont demandé. Donc que dire de gens qui aujourd'hui n'ont même plus de prophète avec eux, on n'a que les livres. Voyez, Adayak Fina, là qui ce n'est pas comme avec la présence d'un prophète avec toi. فقال الشيخ عثيمين après cela il te dit que le shir te met en garde contre deux points. احدهما خوف الانسان على نفسه من ان يظن ما يظن هؤلاء في معنى التوحيد انه افراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. Donc après, la personne doit avoir peur sur elle-même, de penser et de s'imaginer comme se sont imaginés ces gens-là du sens du tawhid, qui est le fait d'unifier Allah dans la création, c'est-à-dire que c'est que seul Allah qui crée, que c'est seul Allah qui accorde la subsistance, que c'est seul Allah qui contrôle les choses. C'est ça pour eux, le tawhid. Et non pas la ilaha illallah, parce que la ilaha illallah, ils n'y croyaient pas. Du moins, ils ne voulaient pas la prononcer. قال فبين لهم أن سوء لهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل. Donc il leur a démontré que cette question, cette demande qu'ils ont faite, qu'il leur accorde une divinité comme cela en avait une, cela fait partie de l'ignorance, purement. Donc là l'insane doit avoir peur, très peur. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبحث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse immense n'a pas envoyé de messagers, plutôt de prophètes qui appellent au tawhid sans qu'il n'ait des ennemis, des adversaires, des opposants. Comme Allah dans le sens où il dit, et c'est de la sorte que nous avons accordé à chaque prophète un ennemi, des shayatins, parmi les hommes et parmi les djinns, qui s'inspirent les uns les autres par des paroles enjolivées. Donc, هذا من حكمة الله تعالى. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, à chaque personne qui appelle à la vérité, il lui accorde des adversaires. Et ça, c'est une chose qui est inévitable. Le shir poursuit en expliquant cette parole-là. En résumé, je ne dis pas tout ce qu'il a dit, mais shahid, parce que le reste, c'est juste qu'il répète ce que le shir a, l'auteur a cité. قال وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء. Donc ce que Allah SWT a accordé à ses messagers, ses prophètes, il en a fait de même pour ses suiveurs. Tous ceux qui suivent les prophètes et les anbiya, il leur arrive ce qui arrive aux prophètes et aux anbiya. À moindre échelle, bien évidemment. Car le Nabi Sallam, quand il est, yubtala al-mar'u ala qadr dinihi. Fal-amthal, fa-ashadduhum bala'an al-anbiya, fal-amthal wa amthal. Que l'homme est éprouvé sur sa religion, en mesure de son attache à sa religion. C'est-à-dire, plus attaché à la religion, et plus son épreuve à sa grande. Donc, les gens qui ont la plus grande épreuves sont les anbiya, puis ceux d'après eux, puis ceux d'après eux, c'est-à-dire dans le niveau de foi. Donc là, le shir dit bien qu'il arrivera aux suiveurs des anbiya ce qu'il arrivait aux anbiya, mais à leur niveau à eux. Donc si les anbiya ont des ennemis, ceux qui appellent au haqq et qui suivent l'anbiya auront des ennemis également, des adversaires, des opposants. Quand la ta'ala, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa. Et après, il cite le verset. Wa qala ta'ala, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Et que Allah dans le sens il dit également, et c'est comme cela que nous avons accordé à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, et Allah suffit comme guide et comme secoureur. قال فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم ولا ما جاءوا به بأمرين. الأول التشكيك. الثاني العدوان. Donc ces gens-là, parmi les Mujrimoun, ils s'opposent aux messagers et à leurs suiveurs parce qu'ils apportent comme vérité par deux choses. Ils emploient deux choses principales. La première, tashkik, le fait de faire douter du message des messagers, des gens de la vérité. Ils t'amènent à douter. Wa thani al-udwan, ils font preuve d'animosité. Ils deviennent ennemis, ils s'opposent à eux et leur font face. Et cela par différents moyens. Ça peut être même par le meurtre, ça peut être par le complot, ça peut être par différentes façons. Ils sont prêts même à te tuer. Ce n'est pas un problème. قال أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء. Donc après Allah, dans ce verset qu'on a cité, Allah cite à la fin du verset justement ce qui amène, alhamdoulillah, à te réconforter de ces deux moyens employés par les ennemis pour obstruer le sortir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le sens, il dit, et Allah suffit comme guide. Cela pourquoi? Pour le tashkik, le fait qu'il te fasse douter. Allah suffira comme guide pour toi et pour ceux qui vont écouter la vérité. قال وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته ونصيرا لمن أراد أن يردعوا أعداء الأنبياء. Et pour ce qui est de l'animosité et de l'opposition, Allah dans le sens il dit, et il suffit comme secoureur pour ceux dont ses opposants auront voulu faire du mal parmi ceux qui suivent l'Anbiya. Donc le verset, il te montre les deux points, que Allah suffira comme guide pour ceux qui doutent, qui viendraient à douter. Allah va les guider. Toi en premier lieu, c'est-à-dire que ces choubouettes ne vont pas t'atteindre, biznillah, et ni tes suiveurs qui seront sincères avec toi. Et si jamais ils veulent s'en prendre à toi par d'autres moyens, que Allah suffit comme secoureur. قال فالله تعالى يهدي الرسل واتباعهم وينصرهم على اعدائهم ولو كانوا من اقوى الاعداء فعلينا ان لنا يأس لكثرة الاعداء وقوة ما يقاوم الحق فان الحق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذا سنة الرحمن. Donc Allah SWT guide ses messagers et leurs suiveurs et les secours sur leurs ennemis, même si c'était parmi les plus grands des ennemis. Donc nous, on ne doit pas désespérer et on ne doit pas baisser les bras devant le grand nombre d'ennemis. Car le haq est secouru. Voyez ? Et c'est une chose que Allah SWT a mis comme tradition, que c'est obligatoire et que c'est inévitable. C'est pour cela que Ibn Qayyim dans Al-Nuniya, il dit « Al-haq mansurun wa mumtahinun. Al-haq mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadhi » Sunnat al-Rahmani. Donc il dit que la vérité est secourue et sera éprouvée. Alors ne sois pas surpris car c'est la Sunnat d'Allah, du Rahman. C'est la Sunnat du Rahman. C'est sa tradition, c'est une chose qu'il a voulu. قال فلا يجوز لنا أن يأس بل علينا أن نذل النفس وننتظر وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها كما أن اليأس سبب الفشل والتأخير في الدعوة. Il nous est pas permis de désespérer. Nous devons perdurer et persister et attendre, c'est-à-dire patienter, car la bonne attribution est pour les pieux. Et même l'espoir est une chose toi-même qui t'amène justement à cela, qui t'amène à patienter et à endurer sur la da'wah, de continuer en vue de la faire réussir. Tout comme le désespoir, lui, est une cause d'échec qui te fera abandonner. Et ce point-là nous éduque, Ya Yusamiroun, nous éduque que la da'wah au tawhid et la compréhension du tawhid et l'apprentissage du tawhid nous apprend tout le reste en lui-même. Car ces choses-là touchent au tawhid et touchent à tout ce qui touche au haq en toute situation. Que celui qui appelle la vérité sera éprouvé et trouvera des opposants. Quand même, ce n'est pas que dans le tawhid ou shirk, même en appelant la sunna, tu vas trouver des opposants. En appelant au ilm, tu vas trouver des opposants. En appelant au jihad, tu vas trouver des opposants. C'est une chose qui est inévitable. Et que les ennemis sont très nombreux. Et ils viennent de tous les côtés. Des ins et des djinns. Donc celui qui rentre là-dedans, le shir l'a déjà enseigné dans Usul Salafa. Quand même, al-sabr al-azafi, yani awalad al-ilm, thumma al-amalu bih, thumma al-da'watu ilayhi, thumma al-sabr al-azafi, qui est l'ilm, le connaître le ilm, d'appliquer ce ilm, d'y appeler et de pas sauter ce qui va en découler par la suite. Adanes kalam, il te prépare et t'éduque à ce qui va t'arriver par la suite lorsque tu vas te mettre à appeler à la vérité. pour ne pas que tu sois surpris. Tu dis, j'appelle la vérité. Pourquoi il m'arrive cela? Car des gens appellent la vérité, se font récuser par les opposants et ne comprennent pas. Ils sont surpris, ils sont choqués. On dit, c'est que tu n'as pas compris la darwa des NBA. Normalement, pour de t'y mettre, tu aurais dû apprendre cela et anticiper et appréhender qu'il va t'arriver où tu vas trouver devant toi des opposants. C'est obligatoire. Et les plus grands des opposants, tu vas trouver des gens qui s'apparentent à ce sur quoi tu es, de ton peuple. Tu vas trouver les plus grands des opposants à ta darwa, c'est-à-dire devant toi, des gens qui s'apparentent à ce sur quoi tu es. Ou en islam, ou même dans ton menhaj, ou des gens de ta famille, ou des gens de ton peuple, ou à les alika. Fa'alika bisabr. Faut patienter. Thumma qala. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. Donc l'auteur il dit, Cheikh Nejdi, rahimahullah ta'ala, et il est fort possible que pour les ennemis du Tawhid, que ces gens-là soient dotés de grandes sciences, de beaucoup de livres et d'arguments, ce qu'on appelle arguments, c'est-à-dire des choses sur lesquelles ils se basent. Comme Allah dans le sens où il dit, et lorsque nos messagers leur sont parvenus avec les éclaircissements, et les preuves, ils se réjouirent de ce qu'ils avaient comme science. C'est-à-dire, ces gens-là, les opposants, étaient heureux d'avoir ce qu'ils avaient comme science pour pouvoir contredire les NBA avec leurs ambiguïtés. فقال الشيخ العثيمين معلقا على هذا الكلام يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب مشبهات يسمونها حججا ويلبسون بها على الناس فيلبسون الحق بالباطل. كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الآية فهذا الفرح مذموم لأنه فرح بغير ما يرضي الله فيكون من الفرح المذموم. Il dit bien, رحمه الله تعالى, c'est-à-dire que les ennemis des messagers, ceux qui ont polémiqué avec eux, qui les ont démentis, sont des gens qui, il est fort probable qu'ils aient des sciences, beaucoup de sciences avec eux, et des livres et des ambiguïtés que eux appellent arguments, et par lesquels ils trompent les gens. Voyez, ou qui recouvrent la vérité par ses faussetés. C'est pour cela qu'Allah, il cita le verset, que ces gens-là, dans le sens, lorsque les messagers leur sont venus, ils étaient contents d'avoir ce qu'ils avaient comme chebouette pour leur faire face. Mais cette réjouissance, elle est mazmoum, elle est réprimandée, elle est blâmable, car c'était une réjouissance dans une chose qu'Allah n'agrée pas. Ce n'est pas une bonne réjouissance. C'est une réjouissance sur le mal. ثم قال شيخ العثيمين واشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وذلك من أجل أن يستعيد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب فيرد عليهم بما جاءه به. Donc l'auteur, rahimahou ta'ala, par cette phrase indique qu'il nous revient de connaître justement quelles sont ces sciences que ces gens possèdent et comme shubuhat en vue de pouvoir les réfuter. Et cela avec leurs propres armes. Et cela est parmi la guidée des messagers. Ali salatu wassalam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mouaz au Yémen, il lui a dit, tu vas aller vers un peuple des gens du livre. Pourquoi il lui a dit cela? Pour qu'ils se préparent et qu'ils sachent ce qu'ils ont dans leur livre afin de pouvoir réfuter ce par quoi ils viendront vers lui pour s'opposer à son message. Donc cela nous appelle à quoi? À ce que tu saches quelles sont les ambiguïtés que ces gens-là ont, car si tu ne les connais pas, elles peuvent t'atteindre. Elles peuvent t'atteindre. Donc toi, tu les connais et tu connais la réponse qui va avec. Et si vous regardez bien, les frères, souvent on appelle les gens, justement, qui s'opposent à la vérité, on leur dit, regardez, vous avez ça comme fausseté. Nous, on a cela comme réponse. Regardez les réponses et comparez. Disons, on ne veut pas regarder. Donc comment tu sauras nous répondre si tu ne regardes pas ce qu'on a comme ambiguïté, vu que d'après eux, on est sur l'égarement. Ils ont peur de regarder. Et normalement, celui qui a de la science, qui sait, il regarde prudemment pour pouvoir justement y répondre et éclaircir aux gens. Donc ton opposant, sache ce sur quoi il est. Mais attention, ces ambiguïtés, en te préservant par la cause des gens de science. Ne te mets pas, par exemple, demain à les lire dans les kutub des rafidats toi-même. ou dans le livre des Ash'ira toi-même, ou dans le livre des Jahmiya toi-même, ou dans le livre des Falasifa toi-même. Toi, c'est à toi des gens de science. Apprends leur ambiguïté pour pouvoir leur répondre. وقال نكمل بهذا فإذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل الفصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يثير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. Donc, si tu as su cela, tu as su que la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé de trouver des ennemis qui font obstacle. Des gens qui seront éloquents, des gens qui auront de la science, des gens qui auront des arguments. Et ce qui est obligatoire à toi, c'est d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'elle devienne pour toi une arme avec laquelle tu vas combattre ces gens-là. Ces gens-là parmi les shayatines, ceux dont leur imam, c'est-à-dire Iblis, a dit, comme il a dit à son Seigneur, dans le sens où voilà, il dit dans le sens, je vais certes leur faire obstacle à ta voie droite. Je vais leur venir de devant eux, de derrière eux, de pas leur droite et de pas leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux seront des ingrats, envers tes bienfaits. Car moi, je vais leur faire obstacle. Adawa marna kalem Iblis. Al-la'in. Païe. Cheikh Othaymine, il dit, wal-stirdad lakun, wal-stirdad ou lahum yakun bi amri. Donc cette préparation, pour faire face à ces gens-là est de deux points, de deux choses. أحدهما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم. La première chose, celle justement qu'a indiqué l'auteur, c'est qu'il faut que tu aies des arguments légiférés et même rationnels par la raison pour repousser les arguments de ces gens-là et leur fausseté. Parce que tu as des gens, ils veulent se lancer dans, on va dire, la da'wa ou dans le faire de faire face aux opposants, ils n'ont rien appris, ils sortent des choses qui sortent de leur tête. Ils viennent devant une personne, même devant Hizbi, tellement ils ont la fougue, le Hamas, de vouloir débattre, de vouloir faire face, que même des fois le Hizbi, il a un argument trop fort pour lui, et la personne, pour pouvoir lui répondre, va inventer quelque chose de sa tête. Et là, va faire des catastrophes. Donc si tu n'es pas prêt à faire face, ne le fais pas. Mais prépare-toi. Et si tu ne peux le faire, alors tais-toi. Et ramène quelqu'un qui est en mesure de le faire, à la rigueur. Mais tu as des gens, ils se mettent en avant, ils parlent comme s'ils connaissaient, et le jour l'opposant il vient, ils ne savent plus quoi faire, ils sont désorientés, tourmentés, quand même, et perturbés. On dit quand, avant que l'opposant il vienne, tu parlais beaucoup. Tu n'as pas fait preuve de modestie, tu as fait celui qui connaissait, qui maîtrisait. L'opposant il est arrivé, tu ne sais plus quoi faire, tu bégayes, tu transpires, tu titubes, ce n'est pas normal. Donc tu n'étais pas prêt à faire cela. Donc si tu n'es pas prêt, toi, Aleka bitawa adour, sache la valeur de ta personne. Ce n'est pas quand il n'est pas là, tu parles beaucoup, tu t'exprimes beaucoup, tu fais l'homme qui est sûr de lui, et lorsque la personne elle vient, tu es désorienté. Dès le début, dis, moi je ne connais pas bien, monte ton niveau aux gens. Voyez, comme ça, si demain ton opposant est bien, tu dis, moi personnellement, je n'ai pas le niveau pour te faire face, je le sais, mais je sais que tu es sur le faux, et je sais qui est en mesure de pouvoir expliquer tes ambiguïtés, ma salane. Ça, c'est akrob, il est sawab, c'est meilleur de faire cela. Mais t'as des gens, ils parlent énormément. Ils parlent. Et le jour, ils sont face à l'opposant. Tu les vois, comme on dit, liquifiés. Ils sont terrifiés de la personne. Car ils savent qu'ils n'ont pas la coudra de faire face à la asaf. Donc, toujours faire preuve de modestie. Même si tu as la vérité avec toi, est-ce que cette vérité, tu es en mesure de la donner ou pas? Si tu ne l'es pas, ma'alik. Allah, il t'a pas imposé de la faire. Al-Thani. Donc, deuxième point pour pouvoir faire face à ces gens-là. أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض النقل والعقل قال إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. Donc maintenant il faut que tu saches que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme ambiguïté, comme faux, pour que tu puisses le réfuter. C'est pour cela que Cheikh l'Islam, rahmallahu ta'ala, il dit qu'il tu ne trouveras pas une personne qui vient avec un argument par lequel il argumentera pour le faux sans que cet argument devienne un argument contre lui et non pas pour lui. Il vient avec une chouborette, une chose qui en apparence est vraie, pour défendre un faux. Et ben tu verras que cette chouborette qu'il utilise, cet argument en apparence qu'il utilise, tu pourras le retourner contre lui. Car il défend le faux avec. Et on peut prendre le haq pour défendre le faux, ce n'est pas possible. Donc le jury reprend bien. Il dit فَعَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَادِلْ هَؤُلَاءِ يَتَأَكَّدُ أَنْ يُلَاحِظَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Donc il dit, celui qui veut justement débattre avec ces gens-là, avec les gens du faux, il faut qu'il s'assure qu'il ait bien compris ces deux points. Que sont-ils ? الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنْ يَفْحَمَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِهِ. C'est-à-dire qu'il sache qu'est-ce que ces gens-là ont comme science afin de pouvoir la réfuter. Il faut qu'ils connaissent leurs ambiguïtés pour pouvoir les réfuter. Comment réfuter une chose que tu ne connais pas ? وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنْ يَفْحَمَ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ. Et qu'il ait compris également, regardez bien, qu'il ait compris ces arguments légiférés et rationnels pour pouvoir réfuter ces gens-là. Parce que tu as des gens qui viennent avec des règles, ils ne les ont pas comprises. Ils veulent réfuter du bâtil, prennent des règles réelles, c'est-à-dire ils savent les prononcer, mais ne savent pas les employer. À quel moment l'utiliser et à quel moment elle est hors contexte. Ou bien avec des preuves rationnelles, c'est-à-dire tirer de la logique, car des fois tu peux. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas utiliser ces preuves rationnelles. Ils les mettent hors contexte. Donc leurs opposants, après cela, peuvent avoir en apparence le dessus sur eux devant les gens et prennent les suiveurs sur eux. Donc les débats avec les gens du faux, il faut faire attention. Si jamais tu viendrais à ne pouvoir réfuter, ton opposant pourrait, en apparent, et non pas pour Allah et pour le haq, mais en apparent avoir le dessus sur toi, donc celui qui viendra à débattre des gens du faux, ce qui est la chose, ce qui est à la base d'une chose qui est réprouvée en religion, à part des conditions, celui qui est en moins de le faire et qui a une maslaha derrière. Celui qui est en mesure de le faire et qui a une maslaha derrière, un intérêt derrière, un profit en tirer, c'est-à-dire de pouvoir amener beaucoup de gens vers la vérité. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit s'aventurer à aller débattre. Mais quoi qu'il en soit, sache les choubouahettes qu'ont tes opposants pour pouvoir les réfuter. Donc là, le croyant du verset d'aujourd'hui, c'est de savoir que celui qui appelle à la vérité aura des opposants. Et que ces opposants, parmi eux, des gens pourront avoir de la science. Ne crois pas que tout opposant est un jahil. T'en as, ils ont étudié. T'en as, ils connaissent des choses. T'en as, pour faire face à la vérité, il faut un ijtihad dans l'apprentissage pour pouvoir s'opposer à la vérité. Donc ces gens-là, par la suite, il faut que tu saches quels qu'ils ont comme ambiguïté pour pouvoir les réfuter. Par des preuves légiférées, shadriya ou aqliya rationnelles. Akada. Donc là, naktafi bihad al-qadr al-yum. Et là, on est toujours dans la moukot d'Ima de Shir, avant de rentrer dans les shubuhat qu'il va citer, qui sont elles, le sujet cœur du livre. Non. Fabiyat al-qadr naktafi wa nakul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.